Bien, merci. Io parlare in francese, ma ringraziare in italiano per tutto il convegno e l'incontro, ma per la relazione sarà in francese, ma tradotta da Daniele, che lo ringrazio. E provare di procedere di una frase, di frase in frase. Sì, esatto. La traduzione. Alors, mon exposé s'intitule donc Bergson ou l'inversion du plotinisme. Allora, la relazione si intitola Bergson o il rovesciamento, l'inversione del plotinismo. En parlant d'inversion ou de renversement du plotinisme de la part de Bergson, et même en définissant Bergson par l'inversion du plotinisme, je ne veux pas dire seulement que Bergson cherche à prolonger et à préciser le renversement du platonisme qui, depuis Nietzsche, définit la critique moderne de la métaphysique, définit la philosophie moderne et la critique moderne de la métaphysique. Allora, parlando di inversione o addirittura di rovesciamento del plotinismo e addirittura definendo in qualche modo la posizione di Bergson. Non la posizione, definendo Bergson stesso. Definendo Bergson stesso mediante questo rovesciamento del plotinismo, cercherò di in qualche modo anche di mostrare come Bergson prolunghi in qualche modo e precisi quel rovesciamento del platonismo che da Nietzsche in poi è stato in qualche modo identificato con la critica moderna della metafisica. En fait, je veux montrer que Bergson cherche d'abord, mais pas seulement, à prolonger la critique nietzschéenne de Platon, même si c'est d'abord le cas, donc, et si le rapport le plus apparent de Bergson à Plotin, le rapport le plus évident de Bergson à Plotin, consiste bien à l'inscrire dans le prolongement de Platon, inscrire Plotin dans le prolongement de Platon, pour lui adresser la même critique qu'à toute la philosophie grecque, d'une manière à la fois plus forte et plus précise. D'une manière à la fois plus forte et plus précise. Le premier geste, la première relation de Bergson à Plotin, consiste donc à l'inscrire dans la même critique que celle qu'il adresse à Platon, et même à l'aggraver et à la préciser. Allora, nel mostrare appunto come da parte di Bergson ci sia questo prolungamento del gesto nietzschiano, cercherò di mostrare come Bergson iscriva di fatto Plotino nel solco di Platone e come indirizzi allo stesso Plotino quella critica generale, complessiva, che Bergson opera nei confronti del pensiero greco, della metafisica, della filosofia greca. Là è la première originalité de Bergson. È il primo tratto di originalità di Bergson. La thèse de Bergson, c'est que pour renverser la métaphysique grecque, il faut aller jusqu'à Plotin. La tesi di Bergson è che per rovesciare la metafisica greca bisogna arrivare fino a Plotino. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller, pour nous, il faut aller jusqu'à Bergson pour comprendre comment la métaphysique grecque va jusqu'à Plotin. Il faut aller jusqu'à Bergson pour comprendre comment la métaphysique grecque va jusqu'à Plotin et pourquoi il faut la dépasser. Allora, ciò che invece ci concerne è che bisogna comprendere come si deve andare fino a Bergson per capire come il faut aller jusqu'à Bergson pour comprendre pourquoi la philosophie grecque ne s'arrête pas à Aristote, mais va jusqu'à Plotin. Bisogna arrivare fino a Bergson per capire come la metafisica greca non si ferma effettivamente ad Aristotele, ma arrivi appunto fino a Plotino. Et pour comprendre pourquoi et comment il faut dépasser la métaphysique classique. Per comprendere come e perché bisogna superare la metafisica classica. Comprendre la relation entre Plotin et Bergson, c'est les replacer tous les deux, l'un avec l'autre et l'un par l'autre, dans une large histoire de la métaphysique qu'il convient de reprendre. Allora, per comprendere la relazione tra Bergson e Plotino, la relazione che unisce l'uno con l'altro e l'uno attraverso l'altro, il faut les replacer dans cette histoire de la métaphysique. Bisogna ricollocarli in questa storia della metafisica. Qui nous oblige à reprendre et à renouveler. Che ci obbliga a riprendere e a rinnovare. Donc, voilà, on peut dire que Bergson nous oblige à refaire l'histoire de la métaphysique grecque et comprendre le rapport de Bergson à Plotin nous oblige à refaire l'histoire de la métaphysique, peut-être contre une certaine tradition du renversement du platonisme. Allora, Bergson ci obbliga a rifare la storia della metafisica greca e comprendere il rapporto tra Bergson e Plotino ci in qualche modo impone anche di rivedere una certa idea del rovesciamento del platonismo che caratterizza appunto la critica della metafisica. Mais ça c'est seulement le premier rapport de Bergson à Plotin. Ma questo è solamente il primo rapporto di Bergson a Plotino. Car il y a un deuxième rapport de Bergson à Plotin. Perché c'è un secondo rapporto di Bergson a Plotino. Et le deuxième rapport fondamental de Bergson à Plotin. Et il secondo rapporto fondamentale di Bergson a Plotino. C'est que Bergson ne se contente pas de critiquer Plotin, de critiquer la métaphysique de Plotin. È che Bergson non si contenta di criticare Plotino, la metafisica di Plotino. Mais dans le même mouvement, il va la reprendre. Ma nello stesso movimento di critica la riprende. La reprendre bien sûr sur un autre aspect. La riprende certamente, ma su un altro aspetto. Un aspect qui pourtant a encore le sens d'un renversement. Un aspetto che nonostante questo ha ancora un senso di rovesciamento. Mais il s'agit aussi de reprendre le renversement, il en a été question ce matin, que décrit Plotin lui-même et qui est la condition de la métaphysique. Ma si tratta anche di riprendere il rovesciamento di cui si è parlato questa mattina e che descrive lo stesso Plotino come condizione della metafisica. Ainsi, ce qui est très singulier dans le rapport de Bergson à Plotin. E in questo appunto c'è qualcosa di molto singolare nel rapporto di Bergson a Plotino. C'est que d'un côté il radicalise sa critique. È che da un lato radicalizza la sua critica, la critica di Plotino, pour critiquer une métaphysique, per criticare una metafisica, mais d'un autre côté il radicalise sa reprise, ma dall'altro lato radicalizza la sua critica, non la reprise, la ripresa, scusate, non plus pour abandonner mais pour renouveler la métaphysique, non per abbandonare ma per rinnovare la metafisica, de sorte que la force de Bergson c'est de, avec Plotin, à la fois de terminer une certaine métaphysique, mais d'en commencer une autre. Di modo che la forza di Bergson è di portare a termine, di condurre al suo termine una metafisica e allo stesso tempo di dare luogo ad una nuova metafisica. Et ce qui définit Bergson. E quello che definisce Bergson. C'est la combinaison de ces deux attitudes. È la combinazione di questi due diversi atteggiamenti. Et je dirais même plus, non seulement ça définit Bergson, mais ça définit l'expérience métaphysique telle que la conçoit Bergson. Et direi ancora di più che non solamente definisce Bergson, ma definisce l'esperienza metafisica così come la concepisce Bergson. Et au-delà de Bergson, je pense que ça définit, je dirais presque, les conditions d'une expérience métaphysique possible aujourd'hui. E al di là di Bergson direi anche che definiscono le condizioni di possibilità di un'esperienza metafisica oggi. Une expérience métaphysique qui n'a donc plus rien à voir avec les théories de la fin de la métaphysique. Un'esperienza metafisica che non ha più nulla a vedere con le teorie della fine della metafisica. Qui vont de Nietzsche à Heidegger. Che vanno da Nietzsche a Heidegger. Inverser Plotin. Rovesciare Plotino. C'est donc très différent de renverser Platon. È dunque molto differente che rovesciare Platone. Parce que ça suppose d'aggraver le renversement de Platon, mais aussi de reprendre quelque chose de toute la philosophie grecque. Perché questo implica sì di accentuare il rovesciamento del platonismo, ma anche di riprendere qualcosa che caratterizza tutta la metafisica greca. C'est pourquoi quand Bergson écrit une introduction à la métaphysique. Ed è per questo che Bergson scrive un'introduzione alla metafisica. Ça n'est pas comme Heidegger pour, de façon ironique, pour abandonner la métaphysique, c'est bien pour la y introduire ou y réintroduire. Non è come fa Heidegger, quasi in maniera ironica, ma in qualche modo per reintrodurre la questione della metafisica. et même l'expérience de la métaphysique. Et persino l'esperienza della metafisica. D'où les trois temps de mon exposé. Dunque i tre tempi della relazione, dell'esposizione. Dans un premier temps, il faudra revenir sur la façon dont Bergson critique le plotinisme comme sommet de la philosophie grecque. Si dovrà dunque in un primo tempo ritornare sul modo in cui Bergson critica il plotinismo come apice dell'esperienza metafisica greca. D'ailleurs, c'est moi qui invente le terme de plotinisme, hein. C'est pas Bergson, et je pense qu'il est assez rare ce terme de plotinisme. Hein. Mais je le revendique parce que, en fait, c'est bien pour marquer que ça n'est pas seulement le néo-platonisme. Hein. En premier temps, donc, critique du plotinisme comme comble, comme sommet, comme de la philosophie grecque. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur la reprise du plotinisme comme introduction à l'expérience métaphysique. A toute expérience métaphysique possible. In un secondo momento il professore si soffermerà sulla ripresa del platonismo come tratto caratteristico di ogni esperienza metafisica. Et dans un troisième temps, il faudra unifier ces deux aspects et donc appliquer l'expérience métaphysique de Plotin à un objet différent de celui de Plotin, même inverse de celui de Plotin. Donc, appliquer l'expérience de Plotin à l'objet inverse de celui de Plotin, et ça, c'est l'expérience métaphysique contemporaine. Et in un terzo momento si dovrà in qualche modo appunto applicare questa caratteristica dell'esperienza metafisica, così come è stata come emersa con Plotino, ad un oggetto diverso e inverso rispetto a quello di Plotino. E questo è ciò che caratterizza appunto l'esperienza metafisica contemporanea. On peut résumer la thèse que je vais défendre en disant que Bergson reprend la forme de l'expérience métaphysique de Plotin en changeant son objet. Si può riassumere quello che il professor Vance ha detto dicendo che Bergson riprende la forma metafisica di Plotino applicandola ad un oggetto diverso rispetto a quello plotiniano. Et je soutiendrai même que c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. E sosterrà anche che è ciò che si tratta di fare oggi. Au-delà même de Bergson. Al di là anche di Bergson. Donc dans un premier temps, et je vais devoir répéter des choses qui ont été dites dans les deux jours. Hein. E dunque in un primo tempo andrò anche a ripetere alcune cose che sono state dette in queste due giornate. Je vais devoir donc revenir sur la façon dont Bergson, en effet, est peut-être le critique le plus sévère de Plotin qui existe. Quindi tornerò sul fatto che da un certo punto di vista Bergson è il critico più severo che esista di Plotino. Bergson dit que Plotin est son philosophe préféré. Bergson dice che Plotino è il suo filosofo preferito. Bergson, au fond, se conçoit presque comme une réincarnation de Plotin, on pourrait dire. Si concepisce quasi, si potrebbe dire, come una sorta di reincarnazione di Plotino. Et pourtant, il est en effet son critique le plus radical. E non di meno è il suo critico più radicale. Dans tous ses livres publiés. In tutti i suoi libri pubblicati. Dans les articles et dans les livres publiés. Negli articoli e nei libri pubblicati. Essentiellement entre 1903 et 1907. Essentialmente tra il 1903 e il 1907. 1903 c'est l'introduction à la métaphysique et 1907 l'évolution créatrice. 1903 è l'introduzione alla metafisica, 1907 l'evoluzione creatrice. C'est seulement la critique qui apparaît. Dans les livres publiés. In questo arco di tempo, nei libri pubblicati, è solamente la critica che compare. Dans ces livres, et essentiellement dans ces deux textes, en 1903 et en 1907, Plotin apparaît comme le sommet d'une philosophie qui commence avec Platon et qui finit avec lui. In questo arco di tempo, in questi due testi, nell'introduzione alla metafisica e nell'evoluzione creatrice, Plotino appare, si presenta come l'apice, appunto il culmine della metafisica greca, che appunto si conclude con Plotino stesso. L'expression de l'introduction à la métaphysique, je vais la citer tout à l'heure, c'est celle-ci. Toute cette philosophie qui commence à Platon pour aboutir à Plotin. L'expression de l'introduction à la métaphysique que j'ai citée poco fa est que toute la métaphysique grecque qui commence avec Platon si conclude in Plotino. Et c'est la même expression qu'on trouve dans l'histoire de la philosophie qui termine l'évolution créatrice. Ed è esattamente la stessa espressione che si trova nella storia della filosofia che conclude l'evoluzione creatrice. Quelle è cette philosophie? Qual è questa filosofia? C'est la philosophie grecque, mais le propre de la philosophie grecque, c'est qu'elle n'a pas seulement un contenu historique. È il proprio pour Bergson, pour Bergson. È il proprio della filosofia greca, ma la caratteristica appunto della filosofia greca è che essa non ha semplicemente un contenuto storico, secondo Bergson. En réalité, la vérité de la philosophie grecque, c'est, pour employer une expression de Bergson, même à plusieurs reprises, c'est qu'elle a tout de suite exprimé ce qu'il appelle la métaphysique naturelle de l'esprit humain. In realtà, la caratteristica della metafisica greca, per utilizzare un'espressione bergsoniana, è che essa ha espresso la metafisica naturale dello spirito umano. En un sens, pour Bergson, le génie de la philosophie grecque, comme des mathématiques grecques, et pour les mêmes raisons, c'est que ce qu'il appellerait en un sens le miracle grec, c'est d'avoir exprimé d'un coup, définitivement, enfin d'un coup, quand même sur plusieurs siècles, mais d'avoir exprimé d'un coup une métaphysique qui est présente dans l'esprit de chaque homme en tant que tel. La genialità della metafisica e della matematica, è esattamente per le stesse ragioni della metafisica e della matematica greca, è di aver espresso, per così dire, in maniera compiuta, tutta insieme, e quella che è appunto la metafisica inclusa all'interno dello stesso spirito umano. Une métaphysique qui a commencé avec un problème, le problème du mouvement exprimé par les apories de Zénon d'Élée, sur l'impossibilité du mouvement. Una metafisica che ha avuto inizio a proposito del problema del movimento, problema espresso appunto dalle aporie di Zenone di Elea. Et donc, il y a de Zénon à Plotin, on pourrait dire, même pas seulement de Platon à Plotin, mais de Zénon à Plotin, il y a l'approfondissement d'un seul et même problème, qui est pour Bergson le problème naturel de toute métaphysique humaine. Da Zenone a Plotino, non solo da Platone a Plotino, vi è in qualche modo l'approfondimento, l'approfondimento di un solo problema che è appunto il problema del movimento. Esatto. E le problème, en réalité, c'est pas seulement le problème du mouvement, c'est le problème de l'incapacité de notre esprit à penser le mouvement. E il problema non è solamente il problema del movimento, ma è il problema dell'incapacità del nostro spirito a pensare il movimento. Pour Bergson, c'est ce problème du mouvement qui a conduit à la métaphysique grecque du monde intelligible. Per Bergson, è esattamente questo problema del movimento che ha condotto la metafisica greca alla questione dell'intelligibile. Le problème du mouvement pour les Grecs, ça n'est pas seulement le problème du mouvement dans l'espace, c'est le problème du changement en général. Comment un corps de petit peut devenir grand, comment un homme de jeune peut devenir vieux, comment il peut faire beau aujourd'hui et pleuvoir demain, bref, le problème du changement dans le sensible. Il problema del movimento per la metafisica greca non è soltanto il problema della traslazione, dello spostamento, ma è anche il problema proprio del cambiamento, come un oggetto da piccolo può diventare grande, come un essere umano può diventare da giovane vecchio. E questo è il problema del cambiamento, non solo dello spostamento. Per Bergson, è per risolvere questo problema del cambiamento che i greci sono stati obbligati di couper l'être en deux. E per risolvere questo problema del cambiamento che i greci sono stati costretti a, come dire, tagliare l'essere in due. Puisque pour notre esprit, le être c'est être quelque chose et pas son contraire. Perché per la vostra mente, per il nostro spirito, essere è essere qualcosa e non il suo contrario. Notre esprit est parménidien. Être et non être, c'est pas pareil. La nostra mente, il nostro spirito è parmenideo. Essere è una cosa ben diversa da non essere. Mais le monde est héraclitéen. Notre esprit est parménidéen, mais le monde est héraclitéen. La nostra mente è parmenidea, ma il mondo è eracliteo, decisamente eracliteo. C'est pourquoi, selon Bergson, les Grecs ont, de Platon à Plotin, ont coupé le monde en deux, avec un monde des idées immuables et un monde du devenir sensible. Ed è per questo motivo che, secondo Bergson, i greci hanno appunto tagliato il mondo in due, un mondo di idee intellegibili, un mondo di idee eterne, e un mondo invece di fenomeni sensibili, di divenire sensibile. Et donc, on peut voir pourquoi Bergson reprend le diagnostic de Nietzsche, mais en même temps le change sur un point fondamental. Et donc, si può vedere come Bergson riprenda la diagnosi nietzschiana di Nietzsche, ma lo cambi poi su un punto fondamentale. Cambi questa diagnosi su un punto fondamentale. Quelle est la thèse de Nietzsche? Que veut dire renverser le platonisme chez Nietzsche? Quelle est la thèse de Nietzsche? Che vuol dire rovesciare il platonismo secondo Nietzsche? Pour Nietzsche, il faut critiquer la dualité du sensible et de l'intelligible. Per Nietzsche, bisogna criticare la dualità, il dualismo di sensibile e intelligibile. Il faut en finir avec les arrière-mondes, avec le monde des essences, caché derrière le monde des apparences. Bisogna farla finita con il retromondo, il mondo. Le monde des essences caché sì, derrière le monde des apparences. Il mondo delle essenze nascosto dietro il mondo delle apparenze. En un sens, Bergson est d'accord. In un certo senso, Bergson est d'accordo con questo. Mais le vrai problème, ça n'est pas la dualité de l'intelligible et du sensible. Ma il vero problema non è la dualità del sensibile e dell'intelligibile. C'est beaucoup trop général et ça nous obligerait à renoncer à toute métaphysique. È un problema questo troppo generale e ci obbligherebbe a rinunciare ad ogni metafisica. La critique de Bergson est plus précise. Ce qu'il faut critiquer, ça n'est pas l'intelligible, c'est l'intelligible conçu comme immuable. Ça n'est pas le sensible, c'est le sensible conçu comme changement incompréhensible. La critica di Bergson è assai più precisa. Ciò che si tratta di criticare è l'intellegibile compreso come immutabile e il sensibile compreso come incomprensibile, come il movimento incomprensibile. Du coup, on devine déjà le problème de Bergson. Le problème de Bergson, ça va consister non pas à abandonner la dualité, mais à la renverser précisément. Et donc, le problème de Bergson, lo si intravede déjà, consistera non tanto nell'abbandonare la dualità, ma nel rovesciare la dualità. Nous devons dépasser les formes statiques de notre esprit pour accéder au mouvement. Noi dobbiamo superare le forme statiche del nostro intelletto e della nostra mente per raggiungere il movimento. La thèse de Bergson, et c'est ça, renverser le plotinisme, la thèse de Bergson, c'est que c'est le statique de notre intelligence qui est un obstacle pour accéder à la réalité du mouvement. La tesi di Bergson, ed è questo il rovesciamento del plotinismo, è che bisogna appunto superare il carattere statico della nostra intelligenza per attingere, per così dire, il cambiamento, il movimento. Pour Nietzsche, renverser Platon, c'est abbandonner toute dualité ontologique. Per Nietzsche, rovesciare il platonismo è abbandonare ogni dualità. Ce sera pareil pour Deleuze, en un sens. E sarà la stessa cosa in qualche modo per Deleuze. Et pour tous ces philosophes qui font de renverser Platon, au fond, le mot d'ordre de la philosophie moderne comme critique de la métaphysique. E sarà la stessa cosa per tutti quei filosofi che fanno del rovesciamento del platonismo in qualche modo la parola d'ordine della critica della metafisica. Mais pour Bergson, c'est plus compliqué. Ma per Bergson è una faccenda più complicata. Parce que renverser Platon, ou renverser la philosophie grecque, renverser Zénon, Platon, Aristote, Plotin, hein, les quatre. Ma perché rovesciare la filosofia greca, rovesciare Zenone, Platone, Plotino, Aristotele, tutti e quattro insieme? Ce n'est pas abbandonner la métaphysique. Au contraire, la métaphysique est plus nécessaire que jamais. Ebbene, questo rovesciamento non è un abbandono della metafisica, perché la metafisica è più necessaria che mai. Mais la tâche de la métaphysique devient de critiquer les formes statiques de notre esprit pour revenir à l'expérience directe du mouvement. Ma il compito della metafisica diventa di criticare le forme statiche della nostra esperienza per rivenire alla natura stessa del movimento, del cambiamento. Tel est le programme général. Questo è il programma generale. Mais pourquoi Bergson insiste-t-il alors sur Plotin? Ma perché allora Bergson insiste particolarmente su Plotino? Parce que pour lui, et on l'a vu déjà dans les autres exposés, pour lui, Plotin est dans l'histoire de la philosophie grecque, Plotin est celui qui a décrit non seulement le problème logique de la métaphysique, mais l'expérience psychologique de la métaphysique. Perché per Bergson Plotino è colui che nell'ambito della filosofia greca ha descritto non soltanto l'aspetto logico dell'esperienza, ma anche l'aspetto psicologico. Zenon avait posé l'aporie, la contradiction. Zenon aveva posto l'aporia, la contraddizione. Avec les apories de Zénon, Achille et la tortue, la flèche, enfin, comment Achille peut rattraper la tortue, il y avait le problème logique. Platon et Aristote ont donné une solution ontologique, en distinguant les idées et le sensible. Et Plotin a essayé de décrire les mouvements psychologiques qui nous font remonter aux idées et redescendre vers le sensible. Zenone aveva appunto affrontato la questione logica del cambiamento, del movimento, con le sue aporie, i suoi paradossi, Achille e la tartaruga, la freccia. Platone e Aristotele invece avevano posto il problema da un punto di vista ontologico. Plotino invece affronta la questione da un punto di vista strettamente psicologico, cioè la questione del movimento viene affrontata in chiave psicologica. C'est pourquoi au fond il faut d'abord critiquer Plotin. Ed è per questo motivo che bisogna innanzitutto partire col criticare Plotino. Parce que Plotin a repris et en un certain sens encore aggravé la primauté de l'immuable, du statique, sur le mouvement. Il l'a mise dans notre esprit lui-même. Perché appunto Plotino ha ripreso, in qualche modo accentuato, il primato dell'immutabile sul movimento e lo ha in qualche modo, per dire, collocato all'interno del nostro stesso spirito. Alors, après, il y a la question de la vérité de son interprétation. Est-ce qu'il en est bien ainsi chez Plotin? C'est apparu dans les exposés. Mais la thèse de Bergson, c'est que Plotin a, d'une certaine façon, introduit la dualité jusque dans notre esprit. Certo, bisogna, come dire, verificare dell'accuratezza dell'interpretazione bergsoniana, questo è stato affrontato appunto nelle due giornate del convegno, ma rimane che la questione, secondo Bergson, è che Plotino ha proiettato lo stesso dualismo all'interno del nostro stesso spirito. Sì, un bebè o un telefono? C'est Plotin qui proteste. È Plotino che protesta. E donc c'est pourquoi Plotin apparaît dans tous les textes publiés de Bergson, dans tous les textes publiés de Bergson. Ed è per questo che Plotino appare in tutti i testi pubblicati di Bergson comme le sommet et d'une certaine façon le sommet de l'erreur de la philosophie grecque. Come il culmine e per certi aspetti come il culmine dell'errore proprio della filosofia greca. Je cite quand même l'introduction à la métaphysique, je vais raccourcir hein, l'exposé, mais je cite quand même l'introduction à la métaphysique. Toute cette philosophie, et c'est un peu dédaigneux, hein, cette philosophie, c'est bon, toute cette philosophie qui commence à Platon pour aboutir à Plotin, aboutir, ça veut dire à la fois culminer et se terminer, hein, c'est fini avec Plotin, tout est là en fait, hein. Toute cette philosophie qui commence à Platon pour aboutir à Plotin est le développement d'un principe que nous formulerions ainsi, il y a plus dans l'immuable que dans le mouvant, et l'on passe du stable à l'instable par une simple diminution, or c'est le contraire qui est vrai. L'important c'est la dernière phrase, or c'est le contraire qui est vrai. Allora, viene citata l'introduzione della metafisica in cui si dice apertamente appunto che tutta questa vicenda che comincia con Platone e arriva al suo culmine, ma anche al suo compimento con Plotino, dunque è tutto lì, è tutto in questo arco di tempo, in questo sviluppo, l'errore della metafisica greca è di aver... Il y a plus dans l'immuable que dans le mouvant, enfin peu importe, enfin, c'est toujours sì. L'immuable et le mouvant. Et di aver dato maggiore importanza più all'immutabile piuttosto che al movimento, e afferma Bergson, ora ciò che è vero è esattamente il contrario. Et donc, on voit que Bergson radicalise beaucoup la critique de Plotin parce que il reprend des traits pour la critiquer, il reprend des analyses à Nietzsche et à Kant. Nietzsche parce qu'il y a une sorte d'histoire de la métaphysique, Nietzsche, Heidegger disons, après évidemment il ne connaissait pas Heidegger, mais aussi Kant, puisque cette histoire de la métaphysique c'est la métaphysique structurelle de notre esprit. Et donc le génie des philosophes grecs, c'est qu'ils ont, fait avant Kant la critique de la raison pure, sans le savoir. Ils ont décrit la métaphysique de notre entendement. Ok, dunque egli, Bergson radicalizza la critica, la critica della metafisica e anche soprattutto la critica di Kant e di Nietzsche, nella misura in cui, secondo Bergson, la metafisica greca ha in qualche modo formalizzato quella che è la metafisica innata, la metafisica naturale della nostra mente, del nostro spirito, e hanno fatto una sorta di critica della ragion pura ante litteram, prima appunto che venisse studiata e elaborata da Kant. Nous sommes tous platoniciens et plotiniens sans le savoir. Noi siamo tutti platonici e plotiniani senza saperlo. D'où le problème alors? Comment est-ce qu'il peut y avoir, si c'est si radical, si la critique est si radicale, comment est-ce qu'on peut néanmoins reprendre quelque chose de Plotin? Dunque, dove è un problema? Se la critica è così radicale nei confronti di Plotino, come possiamo noi riprendere qualcosa da Plotino stesso? Or, on le voit, il y a déjà deux indices très forts de cette possibilité. Ci sono dunque due indizi molto forti di questa possibilità di ripresa. Le premier indice, c'est que pour Bergson, on ne doit pas renoncer à la métaphysique, mais renverser la dualité métaphysique. Ora, il primo indizio è che secondo Bergson non bisogna rinunciare alla metafisica, ma rovesciare il dualismo della metafisica classica. Et le deuxième indice, c'est que le défaut supplémentaire de Plotin. Il secondo indizio è che il difetto supplementare di Plotino. D'avoir mis la métaphysique dans la psychologie. Di aver appunto collocato la metafisica nella psicologia. Ce défaut va devenir un avantage. Questo stesso difetto diventerà un vantaggio. Parce que la métaphysique moderne. Perché la metafisica moderna. Doit partir de notre esprit. Deve partire dal nostro stesso spirito. Doit partir de notre conscience. Deve partire dalla nostra coscienza. Et la renverser de l'intérieur. E rovesciarla dall'interno. De telle sorte que le psychologisme de Plotin. Selon Bergson, bien sûr. In maniera tale che lo psicologismo di Bergson, di Plotino, secondo Bergson, devient en réalité leur le point par lequel il va le reprendre, non seulement le point qu'il critique, mais le point qu'il va reprendre. Diventa in realtà non solamente il punto che Bergson critica, ma anche il punto stesso che riprende. Et c'est pourquoi on doit passer maintenant au deuxième temps de l'exposé. Ed è per questo motivo che si deve passare adesso al secondo tempo dell'esposizione, della lezione. C'est pourquoi Bergson va être à la fois non seulement celui qui est le critique le plus radical de Plotin, mais aussi le successeur le plus radical de Plotin. Ed è appunto il punto per cui Bergson non solamente il critico più radicale di Plotino, ma anche appunto il plotiniano più radicale. Parce que Bergson va reprendre la revendication de Plotin, à savoir que dans la dualité de notre expérience psychique. Perché Bergson riprenderà la dualità fondamentale, riprenderà un aspetto fondamentale del pensiero plotiniano, ovvero che la dualità del nostro spirito. Nous accédons à la dualité de l'être lui-même. Attraverso la dualità del nostro spirito, noi accediamo alla dualità stessa dell'essere. C'est cette revendication, non seulement de l'analogie, mais du contact entre le psychique et le métaphysique, qui fait de Bergson un néo-plotinien. E questa rivendicazione non soltanto dell'analogia tra lo psichico e l'ontologico, che fa di Bergson non soltanto un punto dell'analogia, ma di un vero e proprio contatto tra queste due dimensioni, che fa di Bergson un vero plotiniano. Il y a beaucoup de philosophes qui réfléchissent sur l'analogie en métaphysique. Ci sono molti filosofi che riflettono sul problema dell'analogia in metafisica. Depuis le Moyen Âge, on dit est-ce qu'il y a une analogie entre notre être et l'être, etc. Fin dal Medioevo si dice, si riflette, si discute se c'è un rapporto di analogia tra il nostro essere e l'essere stesso. La thèse de Bergson, c'est qu'il n'y a pas seulement une analogie, il y a une communauté, une participation effective. La tesi di Bergson è che c'è non solamente un'analogia, ma una vera e propria comunanza, una partecipazione effettiva tra noi e l'essere stesso. Che l'expérience du mouvement, che è l'expérience de l'être, nous la faisons en nous, et l'expérience que nous faisons en nous, c'est l'expérience de l'être. che l'esperienza del movimento, che è l'esperienza dell'essere, noi la facciamo all'interno di noi stessi e che questa esperienza è l'esperienza dell'essere in quanto tale. Et c'est ici que Bergson va reprendre Plotin. Ed è in questo, a proposito di ciò, che Bergson riprende Plotino. Plotin s'est trompé d'expérience métaphysique, mais il ne s'est pas trompé sur l'expérience métaphysique. Bergson si è sbagliato di esperienza, Plotino si è sbagliato quanto all'esperienza metafisica, ma non ha sbagliato relativamente all'esperienza metafisica. Voilà. Et c'est ici que se situe l'enjeu du colloque, à mon avis. C'est la nouveauté cachée et récemment retrouvée de cet autre rapport de Bergson à Plotin. Ed è qui che, secondo il professor Worms, si situa la posta in gioco fondamentale del convegno, ed è qui che appunto il rapporto tra questi due pensatori trova il suo punto fondamentale. Pourquoi était-elle cachée? Perché questo punto era nascosto? Parce que dans ses livres publiés, partout où Bergson parle de Plotin, il le critique. Perché in tutti i suoi libri pubblicati, laddove Bergson parla di Plotino, lo critica. E là où Bergson reprend Plotin, il ne le dit pas. E là dove riprende veramente Plotino, Bergson riprende Plotino, non lo dice, non lo dichiara. Parce qu'il le reprend et finalement il en a été question ce matin, dans l'exposé de Sylvain, il le reprend dans la description d'une expérience psychologique qui est métaphysique. E perché alla fine Bergson lo riprende ampiamente, se ne è parlato in questa mattinata, e lo riprende in particolar modo laddove si afferma che nell'esperienza psicologica ne va di un'esperienza metafisica. Ma là il ne peut pas citer Plotin, puisque ça n'est pas la même expérience métaphysique que celle de Plotin. Ma non può citare Plotino perché non è la stessa esperienza metafisica di cui parla Plotino. Et donc ce qui nous rend capable aujourd'hui de comprendre cette autre relation de Bergson à Plotin, qu'il a toujours dite comme ça, mais qu'on ne pouvait pas comprendre, c'est deux choses, à mon avis, c'est la publication des cours. Ciò che ci permette oggi di comprendere questa seconda relazione a Plotino è appunto, innanzitutto sono due cose, innanzitutto la pubblicazione dei corsi di Bergson. Et c'est évidemment des travaux d'interprètes, parmi lesquels ceux qui sont ici, et beaucoup aussi dans les livres de Rocco, qui depuis longtemps a compris cette relation intime, à travers aussi les philosophes italiens, les philosophes de l'acte pur, il a compris cette relation aussi intime de la métaphysique de Bergson et de la métaphysique de Plotin, qui ne sont pas la même métaphysique, mais qui ont la même idée de la métaphysique. E evidentemente anche attraverso il lavoro degli interpreti che sono qui oggi all'interno di questo convegno, attraverso il lavoro degli interpreti italiani, attraverso il lavoro del professor Ronchi, che da tempo ha compreso il rapporto che esiste tra la metafisica bersoniana e la metafisica plotiniana, che in qualche modo non concerne la stessa esperienza metafisica, ma concerne una certa idea di metafisica. E donc, dans un deuxième temps, il faudrait montrer comment dans le cours de 1898-1899, un cours qui ne devait pas être publié. Comment dans ce cours, Bergson, en étudiant le texte de Plotin, découvre une structure métaphysique. Donc, bisogna mostrare, in particolar modo all'interno del corso del 1888-1889, un corso che non doveva essere pubblicato. Ebbene, bisogna mostrare come all'interno di questo corso su Plotino, Bergson trovi in qualche modo una determinata, una specifica struttura metafisica. Dans son livre de 1896, Matière et mémoire, Bergson distingue des niveaux de durée. Nel suo libro del 1896, Materia e memoria, Bergson distingue dei livelli di libertà. Il y a la durée de l'homme, il y a la durée de l'univers, il y a la durée peut-être supérieure. C'è la durata dell'uomo, c'è la durata dell'universo e forse anche una durata addirittura superiore. Par exemple, j'ai pas la même durée qu'une fleur qui s'ouvre plus lentement et peut-être qu'il y a des êtres pour qui notre durée est très lente, donc il y a des différents rythmes et des différents niveaux de temporalité ontologique. Per esempio, la durata di un uomo è diversa dalla durata di un fiore che si apre più lentamente, e probabilmente per altri esseri è la nostra durata, la durata di noi uomini, è una durata molto lenta. Dunque ci sono differenti ritmi nell'universo, differenti appunto durate, livelli di realtà. Le problème de Bergson est double. Il problema di Bergson è un duplice problema. Comment ces durées communiquent? come queste diverse durate comunicano tra di loro? Et peut-on soutenir que l'expérience d'une durée, par exemple la nôtre, nous permet de comprendre, d'expliquer, et je dirais scientifiquement, hein, de rejoindre la vérité d'une autre durée? Per esempio, se si può, come se possiamo sostenere, per esempio, che l'esperienza della nostra durata ci permette di comprendere e addirittura di spiegare scientificamente un'altra durata. Ça, c'est en 1896. Questo è nel 1896. Et en 1907. Et nel 1907. Dans l'évolution créatrice. Nell'évoluzione créatrice. Tout à coup, Bergson explique le fonctionnement même de la vie. C'est ici qu'on retrouve les questions de la vie. Il explique le fonctionnement même de la vie comme mouvement de création qui retombe dans la matière à travers le fonctionnement de notre esprit psychologique. E nel 1907, nell'evoluzione creatrice, Bergson spiega il funzionamento della vita come un movimento che ricade nella dimensione della materia e attraverso il funzionamento stesso del nostro spirito. C'est quand même une thèse radicale, incompréhensible. Hein? È comunque una tesi radicale. Bergson dit que quand nous voulons créer quelque chose, Bergson dice che quando noi vogliamo creare qualche cosa, nous nous concentrons dans un mouvement extrême. Par exemple, si nous voulons écrire un poème ou nous engager dans un acte libre. Quando vogliamo creare qualcosa, noi ci concentriamo in un movimento estremo, quando per esempio vogliamo scrivere una poesia o scrivere un libro. Nous rassemblons tout notre être, dit-il. Noi raccogliamo tutto il nostro essere. C'est un effort, en effet, immense. È uno sforzo immenso. Nous créons. Creiamo. Et puis après, ça retombe. Et là, ça retombe, notre personnalité se divise de nouveau en état de conscience. Je redeviens un tel qui a eu un passé, un présent, un avenir. Je cesse d'être moi-même entier dans un acte. Dopo questo sforzo di creazione, uno sforzo di raccoglimento, c'è una sorta di ricaduta e quindi il nostro animo si ridivide in stati di coscienza, si torna ad essere qualcuno che ha un passato, un presente, un futuro, appunto c'è una dispersione. Donc j'ai été dans le temps le plus intense et je retombe dans l'espace le moins intense. Dunque si è stati nel tempo, nella dimensione del tempo più intensa, più intenso, e dopo si torna nella dimensione invece dello spazio più disteso. Et Bergson dit que la vie a fait pareil. Et Bergson dice che la vita ha fatto esattamente questo. Et qu'est-ce qui lui permet de faire ce lien entre une expérience psychologique et une expérience métaphysique? Et ciò che gli permette di istituire questo rapporto tra un'esperienza psicologica e un'esperienza ontologica? Qu'est-ce qui lui a permis de penser ce mouvement de concentration et de détente? Ciò che gli ha permesso di pensare questo movimento di concentrazione e di distensione. C'est la lecture de Plotin. È la lettura di Plotino. Mais un Plotin dont il ne reprend que la structure, vous voyez bien, la structure de concentration et de production, mais pas les termes, en renversant le mouvement. On ne va pas vers les idées pour revenir vers le sensible. Au contraire, on quitte l'intelligence pour monter vers le mouvement et inversement. Ma di Plotino riprende appunto semplicemente la struttura, ma rovesciandola, nel senso che non c'è un movimento di andata verso le idee e semmai di ritorno verso il sensibile, è un movimento in cui in qualche modo si le mouvement. On quitte les idées vers l'expérience du mouvement et inversement. Okay, si lasciano le idee, si abbandonano le idee e verso un'esperienza del movimento stesso. Mais d'un mouvement qui est un acte psychologique. Hein. Ma è un movimento che è esso stesso un atto psicologico. E donc la condition cachée de la nouvelle métaphysique de Bergson, une des conditions, en tout cas il y en a d'autres, hein, mais une des conditions cachées de la métaphysique de Bergson, c'est cette relecture de Plotin, cette reprise de Plotin. E dunque una delle condizioni nascoste della metafisica di Bergson, certo ce ne sono delle altre, ma una delle condizioni nascoste è proprio questa ripresa della metafisica di Plotino. Dans sa conférence de Bologne en 1911. Nella sua conferenza di Bologna del 1911, qui s'intitule L'intuition philosophique. Che si intitola L'intuizione filosofica. Bergson, en un sens, on peut le montrer dans le détail, en un sens montre que toute philosophie est plotinienne. Bergson in questa conferenza mostra per certi versi che ogni filosofia è plotiniana. Parce que toute philosophie doit dépasser un état de conscience dispersé, superficiel. Perché ogni filosofia deve superare uno stato di coscienza in qualche modo disperso, superficiale. Pour atteindre un point de coïncidence avec l'acte même de l'esprit. Per raggiungere e attingere un punto di coincidenza con l'atto stesso dello spirito. Alors, je voulais ici vous citer, je peux citer un passage quand même de l'intuition philosophique. Ça rejoindrait l'exposé d'hier aussi sur la conscience et l'âme. Bon, je le cite quand même, mais je ne sais pas si on a le temps. Mais bon, il n'y aurait pas place pour deux manières de connaître, philosophie et science, dit Bergson, si l'expérience ne se présentait à nous sous deux aspects différents. Le mot important, c'est expérience. Dans les deux cas, expérience signifie conscience. Dans les deux cas, expérience signifie conscience. Mais dans le premier, la conscience s'épanouit au dehors. Dans le second, elle rentre en elle, se ressaisit et s'approfondit. Allora, vi ho recitato un passo di questa conferenza sull'intuizione filosofica, dove Bergson parla di due maniere della coscienza e dunque di due aspetti dell'esperienza, dove appunto esperienza è inteso come qualcosa che coincide con l'esperienza. Un movimento in cui l'esperienza o la coscienza in qualche modo si disperde, si divide, è un movimento invece in cui l'esperienza si ritorna in se stessa. Vous noterez que pour Bergson, la métaphysique ne suppose pas deux niveaux de l'être. Si vede appunto come secondo Bergson la metafisica non implica due livelli dell'essere. Elle se fait dans l'immanence de la durée. Si fa nell'immanenza stessa della durata. Mais nous avons deux rapports à cette durée. Ma ci sono due rapporti a questa durata. Un rapport qui l'oublie. Un rapporto che la dimentica questa durata. À cause en réalité des contraintes de la vie. A causa, in ragione dei vincoli della vita. Et un rapport où nous revenons à cette expérience de la durée. Et invece un rapporto in cui si ritorna a questa esperienza della durata. C'est l'expérience de l'art, c'est l'expérience de la métaphysique. L'esperienza dell'arte e l'esperienza della metafisica. Et c'est pourquoi aussi dans ce texte, Bergson soutient que toute philosophie est plotinienne et il prend deux exemples, il ne parle pas de lui, mais il prend deux exemples, il prend Spinoza et Berkeley. Ed è per questo motivo che Bergson sostiene che ogni filosofia è plotiniana e a tale proposito prende in considerazione due esempi, l'esempio di Berkeley e l'esempio di Spinoza. Et je n'ai pas le temps de le détailler, mais vous lirez ce texte qui est extraordinaire. En un sens, Spinoza et Berkeley ont tous les deux sont des variations sur le double mouvement de la conscience de Plotin. Et nonostante non ci sia qui il tempo per affrontare in maniera dettagliata la questione, in questo testo straordinario Bergson mostra come Berkeley e Spinoza sono due variazioni sullo stesso tema del doppio movimento della coscienza. C'est pourquoi on peut dire que finalement, Bergson a fait de Plotin un double sommet de la métaphysique. Ed è per questo motivo che si può dire che Bergson abbia fatto di Plotino un duplice apice della metafisica. Le sommet d'une erreur. L'apice di un errore. Et le sommet d'une vérité. E l'apice di una verità. Il a donné la vérité de ce que Jacques Schlanger, dans un livre important, a appelé la structure métaphysique. Et Plotino a in qualche modo fornito la verità di quello che Jacques Schlanger chiama la struttura della metafisica. Une structure de la métaphysique qui n'est pas celle que croyait Nietzsche. La struttura della metafisica non è quella che crede Nietzsche. Qui n'accepte pas un monde des idées. Che non accetta un mondo delle idee. Mais qui renverse le rapport à soi-même. Ma che rovescia il rapporto che intrattiene con se stesso. Dans l'expérience. Nell'esperienza. Et au fond, c'est ce qui m'amène à la troisième et dernière partie de cet exposé. E questo è ciò che permette al professore di andare verso la terza parte della sua esposizione. Qui est la définition de Bergson, en un sens. E che è la definizione di Bergson stesso in un certo senso. Ce que Bergson a voulu faire, c'est reprendre l'expérience métaphysique de Plotin. quello che Bergson ha voluto fare in un certo senso è riprendere l'esperienza metafisica di Gobineau, mais l'appliquer aux expériences les plus intenses de notre vie. E applicandola però alle esperienze più intense della nostra vita. Et c'est pourquoi pour Bergson, depuis le début jusqu'à la fin. Ed è per questo che per Bergson, sin dall'inizio e fino alla fine, au fond, le sommet de l'expérience philosophique n'est pas théorique. Ed è per questo che per Bergson il culmine dell'esperienza metafisica non è teorico. Et c'est ce qui va m'amener à la au dernier endroit où Bergson cite Plotin. Et c'est déjà apparu évidemment dans les. Riconduce all'ultimo momento della situazione in cui Bergson situa Plotino. Qui est le célèbre passage sur la mystique dans les deux sources de la morale et de la religion. Che è il celebre passaggio sulla mistica nelle due fonti della morale e della religione. Mais en réalité, c'est vrai de toute la philosophie de Bergson. Ma in realtà è vero di tutta la filosofia di Bergson. Car l'expérience de la durée. Che l'esperienza della durata. Si on est cohérent, et ça rejoint ce qui a été dit hier, si on est cohérent, l'expérience de la durée, elle ne peut pas être théorique, on ne peut pas la voir, la durée. Et que l'esperienza della durata, se si è coerenti, come è già stato detto, non la si può vedere, non è un'esperienza teorica. L'expérience métaphysique, ça n'est pas l'expérience de quelque chose. L'esperienza metafisica non è l'esperienza di qualche cosa. Sinon on retombe sur les contradictions et on va rechercher les idées pures et on va retomber dans le platonisme. Altrimenti si ricade in una serie di contraddizioni, si va a cercare idee pure e si, in fin dei conti si ricade all'interno del platonismo. Et donc l'expérience métaphysique c'est une expérience de l'action, c'est une expérience dans l'action. E dunque l'esperienza metafisica è un'esperienza dell'azione nell'azione. Une sorte d'intuition du sens que, de ce que l'on fait pendant qu'on le fait. Una sorta di intuizione di ciò che si fa nell'atto stesso del farlo. Et c'était déjà le cas dans le premier livre de Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience. E questo era già implicito nel primo libro di Bergson, il saggio sui dati immediati della coscienza. Les données immédiates de la conscience, ça n'est pas quelque chose que peut voir la conscience. I dati immediati della coscienza non sono qualcosa che la coscienza può vedere. C'est quelque chose qu'elle fait. È qualche cosa che la coscienza fa. Et par exemple, le sommet pour Bergson de l'expérience de la conscience, c'est l'acte libre. E per Bergson il culmine della coscienza è l'atto libero. Quand je dois décider d'un acte grave dans des circonstances tragiques. Quando devo decidere a proposito di qualcosa di grave in circostanze tragiche. Alors la conscience n'a plus le choix, elle doit agir réellement. Allora la coscienza che non ha più scelta deve agire realmente. Eh bien, c'est ça, un peu comme dans l'expérience du beau aussi, c'est ça l'expérience métaphysique à laquelle il faut remonter. E un po' come anche nell'esperienza del bello, è questa l'esperienza metafisica verso la quale bisogna risalire. Dans les deux sources de la morale et de la religion. Nelle due fonti della morale e della religione. Bergson dit que Plotin a compris la mystique, sauf sur un point. Bergson dice che Plotino ha compreso la mistica salvo su un punto. Il a compris que la mystique relevait d'une expérience. Ha compreso che la mistica dipende da un'esperienza. Mais il n'a pas vu que cette expérience ne pouvait pas être une contemplation, justement. On retrouve le problème aussi de ce matin dans l'autre exposé. Ma non ha visto Plotino che l'esperienza mistica non può essere una contemplazione. Elle doit être celle d'une action. Deve essere l'esperienza di un'azione. Et c'est pourquoi, selon Bergson, Bergson compare Plotin avec Moïse. Bergson compare Plotin et Moïse. Ok. Allora, per questo motivo che Bergson confronta Plotino e Mosè. Parce qu'il a vu la terre promise de la mystique, mais il n'est pas arrivé. Perché ha visto la terra promessa della mistica, ma non c'è arrivato. Parce que la vraie expérience métaphysique, ça n'est pas celle du philosophe, c'est celle de ce qu'il appelle le grand homme de bien. Perché la vera esperienza metafisica non è quella del filosofo, ma è quella di colui che chiama il grande uomo. Il grand homme. De bien. Le grand homme. del buono. Del bene, del buono. Bello e buono. Del buono. Grande eroe della morale. Il grande eroe della morale. Le héros de la morale. Pourquoi? Parce que finalement, le dernier mot de Bergson, mais après j'en dirai encore un pour moi et pour discuter avec Procco aussi. E in ultimo la frase conclusiva di Bergson, ma dopo dirà anche alcune cose anche per poter interloquire con il professor Ronchi. C'est que l'acte métaphysique è che l'atto metafisico c'est l'acte qui dépasse les limites de l'humain. È l'atto che supera i limiti dell'uomo. Les limites de l'humain qui sont définies par la guerre et par la clôture en effet de l'expérience de l'espèce humaine. L'espèce humaine qui est une espèce limité par la vie, limité par les besoins et qui conduit à la guerre. I limiti dell'uomo che sono effettivamente i limiti della guerra, della chiusura, i limiti comunque della specie umana che è una specie limitata dalla la struttura dell'espèce. La che è relativa proprio alla struttura stessa della specie umana. Et celui qui dépasse l'humanité, c'est encore un homme, hein. C'est pas quelqu'un qui a des visions de Dieu, c'est quelqu'un qui prouve par des actes qu'il a dépassé la guerre. Et colui che supera l'esperienza umana è ancora un uomo, non è qualcuno che ha le visioni di Dio e che in qualche modo supera la dimensione umana attraverso degli atti. Mais la difficulté quand même, c'est que pour Bergson, ces actes que Plotin aurait dû penser, ces actes restent des actes qui dépassent l'humanité quand même. Ma il problema secondo Bergson è che questi atti che Plotino avrebbe dovuto pensare sono degli atti che superano la dimensione umana. Et donc pour conclure, je dirais que le génie de Bergson, c'est d'avoir retrouvé la place de l'expérience de métaphysique dans la vie humaine. E per concludere si dice che la genialità di Bergson è di aver ritrovato il posto della metafisica nell'ambito dell'azione umana. Pour cela, il avait besoin de critiquer Plotin et de reprendre Plotin. Et per questo motivo aveva bisogno allo stesso tempo di criticare e di riprendere Plotino. Et donc la question c'est où est l'expérience métaphysique? Et donc la question est dove si trova l'esperienza metafisica? Pour Bergson, elle est dans les actes des grands créateurs. Des créateurs esthétiques mais surtout éthiques et politiques. Per Bergson l'esperienza metafisica è soprattutto negli atti dei grandi creatori, dei creatori estetici, ma soprattutto dei creatori etici e politici. Pour certains des bergsoniens du XXe siècle, comme Jean Val ou Jean Kelevich, elle est dans l'expérience temporelle, dans l'expérience esthétique aussi. Per alcuni degli interpreti del Novecento, l'esperienza metafisica è prevalentemente negli atti estetici. Et aussi dans notre existence concrète, à chaque instant. E anche nella nostra esistenza concreta in ogni istante. Pour Jean Kelevich ou pour Jean Val, c'est l'expérience de l'instant ici et maintenant que dont nous devons retrouver le sens métaphysique. Per Jean Kelevich e Jean Val è nell'esperienza del presente, dell'istante che noi dobbiamo ritrovare l'esperienza metafisica. Je crois que pour Rocco, credo invece che per Rocco Ronchi, qui s'inspire aussi de Bergson mais aussi de Gentile et d'autres philosophes italiens, che si ispira di Bergson ma anche di Gentile e di altri filosofi italiani, il s'agit de revenir à un acte pur de la philosophie théorique, au fond un acte quasiment aristotélicien quand même, de l'acte premier, du premier moteur, enfin un acte pur. Per il professor Ronchi si tratta di tornare ad un atto puro, un atto della teoria filosofica, un atto quasi aristotelico, nel senso aristotelico. Je pense que pour ma part je serais plus proche de Jean Val et de Jean Kelevich. Per il professor Morz invece, il professor Morz si dichiara più vicino alla posizione di Jean Kelevich e Jean Val. Et peut-être aussi de celui qui a prolongé Plotin et Bergson jusqu'à nous aujourd'hui, c'est-à-dire Pierre Hadot. Et anche di colui che ha prolungato in qualche modo Plotino e Bergson fino a noi oggi, ovvero Pierre Hadot. On sait que Pierre Hadot est devenu bon, qui a écrit des grands livres sur Plotin, qui a été très marqué par Bergson et par Jean Val aussi tout au long de ses études. Pierre Hadot est celui qui a défini la philosophie comme manière de vivre. è noto come Pierre Hadot, che è stato influenzato da, ha scritto dei libri importanti su Plotino, è stato influenzato da Bergson e da Jean Val, è anche colui che ha definito la filosofia una maniera di vivere. La métaphysique pour Hadot? La métaphysique per Pierre Hadot n'est pas un savoir théorique, mais avant tout une manière de vivre. Non è un sapere teorico, ma è innanzitutto una maniera di vivere. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut retrouver Bergson et Plotin. Ed è in questo modo che il professor Gomes crede si debba ritrovare Bergson e Plotino. Non pas dans des actes purs. Non in un atto puro, in degli atti puri. Même pas seulement dans la philosophie comme manière de vivre. Neanche solamente nella filosofia come maniera di vivere. Mais en montrant que nos manières de vivre sont des expériences métaphysiques. Ma mostrando che le nostre stesse maniere, i nostri stessi modi di vita sono delle esperienze metafisiche. Merci beaucoup. Grazie a lei, grazie professor Holmes. Ci sono delle domande.